À venir aujourd'hui, un joueur condamné à la peine de mort, des virus sur PlayStation Portable et Nintendo DS, et Apple lance toute une gamme de nouveaux produits. L'émission plus lourde qu'une tonne de bricks commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Et cette semaine, comme toujours, mon co-animateur est l'inestimable Danny Janvier. Bonjour. Oui, salut. Salut, ça va, Danny? Ben oui, bonjour à vous. Bonjour à vous à la maison, dans l'auto. Peut-être déjà devant votre console ou votre ordi. Ça serait le fun, ça. Donc, Danny, tu nous critiques quel jeu cette semaine? Ouf, c'était plat. Big Mother Trucker. Big Mother Trucker? Ouais, c'est, je me suis emmerdé. J'ai pratiquement pas joué. Menu incompréhensible. C'est sérieux. Ouais. On en parlera plus tard dans la critique PlayStation 2 Microplay. Mais pour l'instant, voici tout de suite Louise Attack. See you later, alligator. C'est fou, 89. Attaque avec la pièce See You Later Alligator dans La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est l'heure de faire quelques toutes petites nouvelles ici pour commencer l'émission. Donc, un joueur est condamné à la peine de mort. Devin Moore, un jeune homme de 20 ans, vient d'être condamné à la peine de mort par un juge de l'Alabama pour le meurtre de deux officiers de police ainsi que d'une répartitrice. Parmi les influences du jeune, on peut mentionner divers jeux vidéo violents. On se rappelle de l'histoire, c'est une histoire qui suit depuis quelques mois déjà. Donc, il y avait le fameux Grand Theft Auto 3. Et en juin 2003, Moore a froidement assassiné Arnold Strickland, 55 ans, James Crump, 40 ans, et Leslie Miller, 38 ans. tous employés du corps de nuit du Fayette Police Department. Donc Moore avait été arrêté en tant que suspect relativement à un vol de voiture, puis une fois dans le poste de police, il a pris le fusil d'un officier et a abattu les deux hommes, ainsi que la jeune femme parce qu'il ne voulait pas passer une fin de semaine en prison. Moore n'a exprimé aucune émotion lors du prononcement du verdict, mais s'est excusé auprès des familles des victimes pour ses gestes. Ces dernières ont applaudi la décision du juge, même si plusieurs n'ont pas pardonné Moore. Devin Moore a avoué ses crimes, mais la défense a attribué les meurtres à une enfance remplie d'abus physiques et mentaux, ainsi qu'à une tendance à jouer de façon compulsive à des jeux de la série Grand Theft Auto. Le juge a ratifié ce dernier jugement, bien que les familles des victimes aient déjà entamé les poursuites contre les compagnies développant et distribuant ces jeux. Ensuite, toujours dans la controverse, Jack Thompson remet de l'huile sur le feu. Le très coloré et surtout controversé avocat Jack Thompson, ennemi numéro 1 de l'industrie des jeux vidéo, vient de faire une proposition plutôt inusitée et provocante à l'industrie. En effet, il a soumis un schéma pour un jeu vidéo violent, et si une compagnie veut bien concevoir un jeu vidéo selon cette idée, puis la mettre en vente en 2006, Thompson va faire un chèque de $10,000 américains à la fondation de charité préférée de Paul Ebeler, qui est le PDG de Take-Two Interactive, qui a probablement maudit Thompson à quelques reprises au cours de la dernière année, suite à tous les scandales que ce dernier a provoqués autour des jeux Grand Theft Auto de la compagnie. Évidemment, Take-Two Interactive étant la compagnie de Grand Theft Auto. Voici donc le scénario du jeu violent proposé par Thompson. C'est l'histoire de Osaki Kim, qui est le père de l'adolescent, s'étant fait assassiner à coups de bâton de baseball par un joueur de 14 ans. Le tueur a joué de façon compulsive à un jeu violent dans lequel l'une de ses façons préférées de tuer les gens était avec un bâton. La cinématique d'introduction avant que la partie interactive ne débute prend place à la cour de Los Angeles dans laquelle le tueur est condamné à une peine de prison à perpétuité après que le juge et le jury eurent entendu des experts expliquer la connexion entre le jeu et le meurtre. Kim quitte la salle d'audience en promettant qu'il se vengera de l'industrie du jeu vidéo qu'il croit complice du meurtre de son fils. Kim aura aussi une variété d'armes, évidemment allant de cocktails Molotov aux machettes et évidemment les bâtons de baseball. Pour son premier crime, Kim détourne un avion afin d'atterrir à la demeure du PDG de la compagnie créatrice du jeu qui s'appelle Take This. On remarque évidemment le jeu de mots. Kim tue alors la femme du PDG ainsi que ses enfants et sa femme, oui c'est ça. Comme il est possible de le faire, ensuite il urine sur les membres de la famille, comme il est possible de le faire sur le corps des policiers dans le jeu Postal 2. Kim se rend ensuite à Los Angeles en voiture, mais s'arrête en chemin à Philadelphie à la firme d'avocat Blanks. Afin de tuer tous les avocats défendant Take This dans cette affaire. Donc il crie « Allez, poursuivez-moi ». Et avec le FBI et ses trousses, Kim parcourt les États-Unis tirant sur les salles d'arcade. Il va évidemment faire des arrêts dans des versions virtuelles des magasins Best Buy, Walmart, etc. Etc, etc. Et là, ensuite, Thompson dit à l'industrie des jeux vidéo, et là, je reviens, c'est la fin de l'histoire, mais je reviens au vrai Thompson dans la vraie vie, qui dit, et je cite, « Alors, l'industrie du jeu vidéo, est-ce qu'on est partant? J'ai le chèque, vous avez la technologie, aucune menace ne peut provenir d'un tel jeu, vrai. Allez-y, niez des jeux vidéo, faites de vous des cibles comme vous en faites des autres, je vous en prie. » C'est tellement bien ça. Et ensuite, celui-là, je la ferai plus tard parce que j'avais un clip son à vous présenter, mais à la place, on va aller en musique. De toute façon, tout seul, c'est plate comme ça. Donc, on va aller écouter tout de suite une merveilleuse pièce des Dales Howard Chuck qui est sur le palmarès de Sifu. Donc, vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Restez là parce que Danny, plus tard dans l'émission, va faire sa critique sur PlayStation 2. Et le jeu qu'il critique s'appelle Big Mother Truckers. Et puis, le nom de ce jeu-là me fait bien rire. J'ai hâte de voir si le jeu est aussi bon que le nom. Hein? Dales Howard Chuck, tout de suite à Sifu 89 FM. We'll be right back. bon réveil tout le monde. Les Dears Are Chuck. Ouais, avec la pièce Mikasa et Tsukasa, hein, de leur album qui vient tout juste de sortir, très très récent. Les Dears Are Chuck. Maintenant, comme je disais juste avant de la pièce musicale, j'avais un clip son pour la prochaine nouvelle, donc je vais la faire tout de suite. Alors que l'on vante bien souvent l'audace des Anglo-Saxons en matière de publicité, le spot prévu pour lancer PES 5 vient d'être banni des écrans britanniques. La raison de cette censure a été modifiée par l'équivalent du je crois que c'est, je sais pas exactement c'est quoi l'affaire, mais le FCC, le CRTC, peut-être quelque chose du genre, par le fait que le jardinier apparaissant à la fin de cette publicité-là aurait pu être tué par électrocution de sa tondeuse. Hein? Donc on va écouter la publicité juste pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai aucune idée de ce que c'est, j'ai même pas écouté avant. Hein? Je suis préparé d'avance. Écoutez ça. Je vais vous décrire avec mon super talent de... Ok, donc on voit des gens dans une pièce, là il y a deux gars qui se regardent, puis ils commencent à courir. Puis, ils courent, ils sautent par-dessus. Ah, puis là, ils arrivent sur un divan, ils regardent la TV, ils jouent à un jeu vidéo. Ah, c'est fascinant, ils pitchent un ballon, ok, super. Ouais, on voit le... Ils jouent. Et le but, hein? Ok, ouais, c'est ça. Puis là, il y a un gars, je pense, qui passe la tondeuse, puis qui passe sur les fils de leur console de jeu. Je pense que c'est... Il me semble que si j'ai bien compris. En tout cas, allez la voir de toute façon dans les liens, ça va être beaucoup plus facile. C'est quand même pas de la télé. Donc, allez voir sur le cnx.cfou.ca, le site de l'émission, le cnx.cfou.ca. Maintenant, avant de continuer, on fait le top 5 des jeux les plus loués chez Microplay en date du 9 octobre 2005. On commence par la 5e position parce qu'on y va comme... à l'envers. Un top, c'est comme... 5e position, NHL 06 sur GameCube. En 4e, Brothers in Arms Earned in Blood sur Xbox. En 3e, NHL 06 sur Xbox. En 2e, le même jeu sur PlayStation 2. Et en première position, c'est Far Cry Instincts. Maintenant, petit bout bien fascinant où ça me tente de vous parler de différents sites web à visiter. C'est tellement original de faire ça. On voit jamais ça dans aucune autre émission. Donc, commençons par oui, la vie. De quoi aurait l'air la vie si vous viviez dans une bouteille d'eau? Hein? Je me suis toujours demandé ça, vraiment, moi. Hein, donc je vais partir. Le petit chose, c'est un genre de réalité virtuelle, tu sais, en QuickTime VR où tu peux voir alentour de toi. Alentour, oui. Donc, chargeons la page, voilà. Et c'est ça que ça donne de vivre dans une bouteille d'eau. C'est comme le gars, j'imagine, qui a peut-être construit une bouteille d'eau géante. Mais tu peux même voir qu'est-ce qui est écrit en fond, puis le code barre de la bouteille. Mais c'est vraiment fascinant de les bulles. Il y a quand même une belle maison, le gars, puis vraiment, il doit être riche. Je pense que le gars, il est riche. Ouais. Allez voir ça, cnx.cfou.ca. Il n'y a rien de plus fascinant, le cnx.cfou.ca. Et on va retourner tout de suite en musique, tiens. Moi, j'attends encore que mon co-animateur revienne avec sa critique de PlayStation 2. Ça va être bien plus fun quand il va être là pour réagir à mes sites cocasses et intéressants de la semaine. Donc, allons tout de suite entendre Mr. Brown avec la pièce qui est encore une fois sur le palmarès de C'est Fou parce que je suis original aussi comme ça. Je prends des pièces du palmarès, c'est plus facile. Voici donc, donc le groupe Mr. Brown. En fait, c'est une personne. Le gars s'appelle Bruno Desautels, c'est lui qui fait absolument tout. À ce que je vois, c'est écrit qu'il fait paroles, musique, bass, batterie, clavier, échantillonnage, flûte à bec, percussion, etc., etc. Et la pièce qu'on s'en va entendre est la pièce à succès Bébé, je t'aime, que j'adore. J'adore la petite mélodie Bébé, je t'aime, tout de suite. À la connexion à CFU 89.1 FM, on parle technologie, informatique et jeux vidéo avec Mathieu Plante. Ah. vous écoutez La Connexion, hein, c'est fou, 89.1 FM. Bon retour, vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo, c'est pour 89.fm avec Mathieu Plante et maintenant Danny Janvier, c'est déjà son tour, c'est déjà l'heure de la critique PlayStation 2 Microplay, tout de suite. Bonjour Danny. Bonjour à toi Mathieu et rebonjour à vous à la maison. Eh bien oui, cette semaine, j'aurais dû faire comme t'as dit l'autre fois. J'aurais dû m'écouter et faire la première idée. Hein? C'est ça, c'est la leçon de la semaine que j'ai eue. C'est toujours prendre sa première opinion, sa première idée. Jamais changé. Ma première idée, moi, c'était de prendre We Love Katamari. Il était pas là ou quoi? Il était là, mais j'ai dit, je vais essayer d'autre chose, je sais c'est quoi. Ah. Et j'ai fait la gaffe. Je peux pas dire de ma vie, parce que c'était une petite... Parce qu'on a fait plusieurs d'autres, de toute façon, oui, qui sont beaucoup plus grosses que ça. Donc, j'ai fait la gaffe de prendre Big Mother Trucker 2, qui est un jeu qui nous présente un jeu de conduite de gros véhicules lourds. Bien sûr, on a le choix d'incarner plusieurs stéréotypes, dont la petite blonde avec les gros seins, le vieux pouilleux, le gros crotté, et la Mother Trucker, justement, une grosse bonne femme sortie de prison, qui est la boss et qui nous donne des missions à n'en plus finir. Sauf que, moi, ce qui a fait c'est que j'ai détesté le jeu, c'est que le menu, à peu près incompréhensible, okay. Premièrement, et... J'ai essayé en mode mission, essayé en mode trial. À un moment donné, t'es jamais, ok? Il faut absolument que tu joues aux cartes ou au casino. Tu paries, ok? Tu gagnes ça à coup d'à peu près 100$, puis tu te rends à 10 000 pour pouvoir passer à l'autre mission. Ouais. Emmerdant. Je te dis, j'ai joué une soirée. Et c'est ça, c'est des missions un peu... Je veux pas mettre Grand Theft Auto là-dedans, mais tu sais, un peu fais ça. Mais avec rien à faire d'autre. Je vous dis, je sais pas si tu connais 18 Wheelers. Ça me dit quoi, ouais. Qui était un jeu de conduite de poids lourd, justement, de gros camions, qui était excellent, très bien fait. Moi, je jouais là-dessus sur Dreamcast. Donc, ça fait un bout. Ta console préférée. Ben, une de mes consoles, coup de cœur, j'avoue. La Dreamcast qui a été oubliée tellement. En tout cas, moi, j'aimais bien Sega. Sega, c'est la meilleure compagnie, mais bon, ils l'ont lancé. C'est l'opinion de bien des gens que Sega, c'est la meilleure compagnie de jeux vidéo. C'est comme ça. Ben, moi, c'est, tu sais, il y a du monde sur Nintendo, moi, sur PS2, il y en a qui sont. Moi, ma vraie compagnie, c'était Sega. Mais bon, maintenant, je suis pogné avec Sony qui crosse le monde à vendre tout. Au moins, Sega continue de faire des jeux, au moins, c'est déjà ça. Exactement. Mais donc, c'est ça. Ce jeu-là, c'est un jeu de conduite de poids lourd. Si vous êtes un maniaque, peut-être. Allez-vous le louer, mais moi, je vous le déconseille totalement. Mais le 1 avait pas tellement été bien critiqué non plus. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était le 2 en plus. La gaffe de refaire un jeu aussi poche. Ouais. En tout cas, ils auraient dû mettre leur argent à quelque part d'autre. Je peux pas te donner, mettons, sur 18 roues, je vais t'en donner 6 roues. J'aime mais ça. Même pas, 6 Et roues. Puis, donc, si tu dis acheter, louer ou passer, tu dis passer. Passer. Bon, c'est clair. Prenez-vous We Love Katamari. Et la semaine prochaine, tu vas nous venir avec Katamari. Sûrement, oui. À moins que j'ai une connerie qui me passe par la tête et je fasse une folie comme d'habitude. Est-ce que tu crois pouvoir revenir en fin d'émission pour la chronique de David Ribanelli? Oui. Vers quelle heure? Dis-moi quelle heure je vais être là. On va essayer de faire ça vers la dernière demi-heure. Ben, je vais être là. Je vais essayer de garder les affaires plates pour le milieu. Puis, c'est pas vrai. Restez là à la maison. Faut rester là toute l'émission quand même. Mais David Ribanelli, c'est à surveiller. Donc, ton jeu, c'était Big Mother Trucker 2. Ouais. Et c'est sur... ça, c'est la critique du premier pour voir. J'essaie de regarder la note. Le premier était coté 62 et le deuxième est coté 51. Ben, c'est ça. Tantôt, j'ai dit 6 roues sur 18, mais moi, je dirais 4 roues sur le flat sur 18. Oh! Finalement. Aïe, aïe. Donc, Big Mother Truckers 2, Truck Me Harder sur PlayStation 2 est coté 51 selon 25 critiques reconnues partout dans le monde. Selon la communauté, un vote donne 9.0. C'est édité par THQ Empire Interactive, développé par U-Technics dans le genre course et conduite. Pour un seul joueur, faut que tu me confirmes, est-ce que c'est pour un seul joueur? Moi, en tout cas, j'ai juste un seul joueur, mais j'ai pas assez joué. Selon le SRB, c'est coté M pour mature, donc 17 ans et plus, et c'est la date de sortie, pardon, était le 23 août 2005. Big Mother Truckers 2, Truck Me Harder. Et je suis pas le seul à avoir trouvé que c'était un navet, finalement. Parce qu'à 50, là, pour une... Ouais. C'est pas très fort. Non, mais tu sais, c'est juste en dessous de la note de passage. Fait que dans le fond, ils ont pas chaud. Ouais, mais... Un médecin, tu devrais t'opérer par un médecin qui est passé, juste en dessous de la note de passage. Non. Ben, c'est ça. T'as raison. Bonne comparaison, vraiment. Là, faut que tu compares tes jeux vidéo à un docteur, à savoir si tu, veux, si tu dois l'acheter ou le louer. Ouais. Merci, Danny Janvier, et à plus tard. Au revoir. Maintenant, on va écouter un groupe spécial, mon cœur, parce que André, je vais l'avoir en entrevue demain. Je l'annonce en primeur demain dans La Chance au coureur, l'émission de nouveautés musicales entre 11h et 13h. André devrait être là vers les 11h30. Là, je sais que je l'annonce, puis qu'on sait jamais si ça va marcher ou pas, mais demain, c'est supposé. Donc voici tout de suite la pièce vedette de André, qui est encore une fois sur le palmarès de C'est Fou, même que si je regarde ici, est en troisième position, Station Balnéaire, single qui vient de l'album Les Derniers Modèles quelque chose. André, à la connexion à CFU 89.1 FM. Je viens de me rappeler que c'est le CD qui saute, celui-là. C'est le fun, non? À la place, pour compenser, attendez-moi deux petites secondes, puis je vais vous sortir le vrai CD, puis je vais vous faire jouer la vraie pièce, parce que j'y tiens vraiment. C'est ça que je dis, moi, je vais l'avoir en entrevue demain, ma première grosse entrevue à vie. Puis là, ça va avoir l'air loser comme ça, mais le CD juste ici s'appelle « Les derniers modèles de la mode masculine » de André. Groupe très, très fétiche, quasiment ici à C'est Fou. On connaît beaucoup de leurs pièces, dont « Dans le sous-sol de Carlos »,« Yolande Wang », »,« 450 ». Donc tout de suite, Station Balnéaire, et on la joue pour vrai, et ça sautera même pas. Vous écoutez la connexion par technologie informatique et jeux vidéo à C'est Fou 89.1 FM. Sauter la banque, ils ont emprunté la route. André avec Station Balnéaire, deux fois plutôt qu'une du dernier album, les derniers modèles de la mode masculine. Et je vous le rappelle une dernière fois que André sera en entrevue dans l'émission La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Ça se passe les vendredis à 11h, on rappelle, les mardis à 13h. Donc si vous écoutez la reprise de la connexion aujourd'hui, ça veut dire les mardis à 10h, eh bien c'est dans quelques heures. Fait que juste à rester assis, manger vos toasts, puis ça s'en vient. Okay? Donc on continue avec d'autres nouvelles maintenant, côté informatique. Plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, indiquent que Microsoft et Yahoo pourraient annoncer un accord... Je vous rappelle que la nouvelle que je vais lire là se situe dans le passé et je vais avoir la mise à jour plus tard dans la même nouvelle pour vous tenir à jour comme ça. Donc, plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, indiquaient que Microsoft et Yahoo pourraient annoncer un accord important dans le monde des messageries instantanées. Les deux firmes pourraient mettre en route l'interopérabilité de leurs logiciels de communication respectifs, c'est-à-dire Yahoo Messenger et MSN Messenger. Les utilisateurs de Yahoo Messenger pourraient alors envoyer des messages et communiquer par voie sur IP avec les utilisateurs de MSN Messenger et vice-versa. Interrogé il y a quelques mois à ce sujet, Yahoo avait confirmé qu'il était en discussion avec plusieurs éditeurs de messagerie instantanée pour proposer une possible interopérabilité. Dur à dire ce mot-là. À l'heure actuelle, Yahoo et Microsoft dominent 44% de ce marché, tandis que AIM et ICQ d'AOL contrôlent 56% du marché. Yahoo et MSN Messenger devraient regrouper 33,5 millions d'utilisateurs contre 23 millions pour AIM seulement sans ICQ, qui reste très populaire aux États-Unis. L'accord devrait également permettre à Yahoo et Microsoft de renforcer leur logiciel pour contrer la montée de Skype rachetée dernièrement par eBay. Microsoft serait toujours en discussion avec AOL pour proposer une éventuelle interopérabilité. J'ai de la misère avec ce mot-là, mon tati. Avec AIM. Et là, mise à jour, comme je le disais, à 17h06, plutôt, je crois que c'était hier ou avant-hier. L'information est désormais confirmée. Microsoft et Yahoo ont annoncé officiellement l'interopérabilité de leur messagerie lors d'une conférence de presse. Et lors de cette conférence, Yahoo et Microsoft ont fait savoir que les utilisateurs des deux applications vont pouvoir s'échanger des messages, des contacts, des smileys à partir du second trimestre de 2006 via leurs messageries respectives. Les deux sociétés pensent se partager ainsi une base de 275 millions de contacts. Et les rumeurs persistantes qui prévoyaient depuis plusieurs mois le lancement imminent d'un baladeur numérique iPod capable d'afficher la vidéo s'avèrent finalement exactes. Comme dans le cas des iPod Nano récemment lancés sur le marché, les nouveaux lecteurs d'Apple sont plus minces que les baladeurs de génération précédente, mais ils sont toutefois munis d'un écran de plus grande taille, de 6,35 cm ou 2,5 pouces. Le nouvel iPod est offert en deux modèles, 30 gigs ou 60 gigs. Dans la version la plus spacieuse, Apple estime qu'on pourra stocker jusqu'à 15 000 chansons, 25 000 photos ou 150 heures de vidéos compressées selon les normes MP4 ou H.264. La firme à la pomme, Apple donc, aurait aussi amélioré l'autonomie des derniers iPods qui pourraient désormais fonctionner jusqu'à 20 heures en continu avec une seule charge. Davantage de détails techniques sont chez le site de apple.ca. Et dans la boutique en ligne d'Apple Canada, le nouvel iPod de 30 GB est vendu à 379$, tandis que la version 60 GB est offerte à 499$. Et du même coup, Apple inaugure également une nouvelle version de sa boutique de téléchargement iTunes, la sixième, donc iTunes 6. On se rappelle que iTunes 5 est sorti il y a quelques mois, même pas, ça fait vraiment pas longtemps. Donc iTunes 6, la grande nouveauté, c'est évidemment qu'il permet de télécharger des vidéos. Plus de 2000 vidéoclips pour 1,99$ chacun. Et en outre, Apple a également présenté des nouveaux iMac G5 plus minces avec webcam intégrée et télécommande. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que Danny Janvier, la semaine passée, a perdu sa gageure parce qu'il avait dit que Apple allait annoncer des nouveaux PowerBook. Mais bon, c'est pas vraiment ça. Aussi, je voulais dire une autre petite affaire. Apple va vendre des émissions de télé de Disney et ABC. Donc, il y a un partenariat avec ABC et Disney qui sont dans le fond la même compagnie parente. Les émissions comme Perdu et Beauté désespérée, les deux émissions qu'on connaît de Radio-Canada ici au Québec. Donc, les deux émissions vont être disponibles pour aussi 2$ US par émission. Donc, si on compare, ça veut dire qu'un vidéoclip de 3 minutes et une émission de 1 heure vont tous les deux coûter 2$ US. À ce que j'ai compris. Très, très logique. Google Reader. Google a lancé en phase test un lecteur en ligne permettant de télécharger et de lire les dernières mises à jour publiées dans vos sites web ou blog en français. Hein, c'est la traduction officielle. Et blog en anglais. Avant de pouvoir utiliser Google Reader, il faut d'abord disposer d'un compte Google, par exemple sur Gmail, et d'ouvrir une session. On pourra ensuite ajouter des fils d'actualité RSS et Atom en saisissant leur adresse exacte. Dans le haut des pages, le service propose également un moteur de recherche permettant de trouver des fils d'actualité plus facilement en employant des mots-clés tels que le nom d'un site web ou un auteur ou un sujet en particulier. Les pages de résultats offrent l'abonnement aux sources suggérées d'un seul clic. Sur le bouton subscribe, on peut ensuite consulter la liste des dernières mises à jour parues dans ces sites ou blogs et charger le texte original dans une nouvelle fenêtre directement du site. Par exemple, si mettons j'ai branchez-vous.com dans mes dans mes liens RSS, dans mes feeds. Il va ouvrir la page directement sur le site de Branchez-vous. Le contenu pourrait également être expédié par courriel via Gmail ou publié dans le service de blog de Google qui s'appelle Blogger. Évidemment, tout ça, c'est interconnecté, que ce soit Google Reader, Gmail ou Blogger, c'est tous la même compagnie. Google Reader est compatible avec les navigateurs web et systèmes d'exploitation suivants, donc Internet Explorer 6, Firefox 1.0, Safari, Netscape, Mozilla, et etc. Les détails sont au google.com/reader ou reader.google.com. Il y a même une petite visite guidée et une foire aux questions. Parlant de Google, Google va donner plus $1 milliard en dons par le biais de google.org, qui est la nouvelle portion philanthropique de la compagnie californienne, s'approchant ainsi de l'un des principes fondamentaux à la base de l'entreprise qui est, et je cite, « tu peux faire de l'argent sans faire de mal ». Google.org prélèvera ainsi 1% de la valeur de ses 3 millions d'actions, totalisant une somme de plus $1 milliard canadiens. Le montant recueilli par Google.org devrait par la suite être destiné à des compagnies socialement progressives pour les aider à être rentables. Google.org n'est cependant pas encore à pouvoir donner des subventions, puisque la compagnie est encore dans l'élaboration de sa stratégie et l'embauche de personnel. Mais Google donne déjà par le biais d'une fondation plus traditionnelle d'autres dons, totalisant la somme de $105 millions canadiens. L'exemple le plus récent étant un don au fonds Acumen, qui est un organisme sans but lucratif qui utilise l'argent afin de soutenir les entreprises qui fournissent les besoins essentiels aux gens les plus démunis de la planète. C'est bon à savoir, Google, bonne petite compagnie, ça, petite compagnie de moment papa, là, petit coin de rue, c'est Google. Maintenant, avant de passer encore une fois en musique, on fait le top 5 des mots les plus recherchés par les Québécois cette semaine, selon le toujours très très fiable Sympatico MSN en français, Canada, etc., etc. En cinquième position, on commence par hockey. En quatrième, coloriage. En troisième, carte virtuelle. En deuxième, Paris Hilton. Et en première, Tom et Katie. Encore une fois, je vais devoir poser la question, où c'est qu'ils pognent ces données-là? Parce que ça se peut pas que des millions de personnes aient cherché Tom et Katie en même temps. Ça se peut pas. En tout cas, donc Polaroid de Mimi Van Der Glo, vous écoutez la connexion à CFU89 FM. Restez là parce que tout de suite après, les 10 dernières minutes vont être absolument au complet consacrées à la série Sonic the Hedgehog 2 Hedgehog Heaven, qui est la série de compilation dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est l'heure de faire Mimi Van Der Glo tout de suite. Polaroid de CFU89 FM. Jour de Noël. Van der Glo avec la pièce Polaroid qui est sur le palmarès francophone de C'est fou en première position cette semaine. Hein, ça fait quand même 4 semaines qu'il est là. Très bonne pièce. Au début, j'étais pas sûr, mais là, à un moment donné, elle commence à rentrer dans la tête. Maintenant, c'est la fin de la première heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la série en concert. Et oui, la série en concert. Ça veut dire qu'on passe toutes les pièces d'un album ou d'une série de pièces rattachées ensemble pendant toute la session. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a commencé. Cette semaine, on continue la série Sonic the Hedgehog 2 Hedgehog Heaven, qui est une série de collaboration. Donc, des gens qui ont repris la musique du jeu Sonic the Hedgehog 2. On refait un à un chacune des pièces, plus ou moins en ordre, plus ou moins fidèlement à la vraie pièce. Et cette semaine, les pièces sont Next My Generation, qui vient de Analog, même auteur que la semaine dernière, il avait fait la pièce Oil Spill. Donc Next My Generation, qui vient du tableau Metropolis Zone du jeu Sonic the Hedgehog 2. Et ensuite, on va écouter High Above the Sky, aussi par celui-là, non, c'est par Sir Nuts. Celui-là par Sir Nuts, qui vient du tableau Sky Chase Zone. Et c'est ce qu'on entend déjà, on commence déjà à l'entendre en fond. Donc ça va être la fin de la première heure. Restez là parce qu'il nous reste encore quelques petites minutes à la fin de l'émission qu'on va placoter ensemble, on va prendre un petit peu de thé, mettre le petit doigt en l'air, etc., etc. Donc vous écoutez La Connexion par Technologie Informatique et Jeux Vidéo à C'est fou 89.fm. Et mon nom est... Dites-le en cœur, là. Faut dites-le en même temps, oui. Mathieu Plante. Hein? C'est fou 89.fm. écouter la série en concert. Dans la connexion, on écoute Hedgehog Heaven, c'était Next My Generation de Analog. Et maintenant, on écoute Eye Above the Sky de Sir Nuts à CFOU 89.1 FM. Above the City de Sir Nuts dans la série en concert Sonic the Hedgehog 2 Hedgehog Heaven. Plus de renseignements en passant, si vous voulez absolument aller voir toutes les descriptions et même télécharger ces MP3 là, je vais baisser ça un petit peu. Et même aller télécharger les MP3 de cette série là, c'est le sonic2.ocremix.org ou encore mieux, passer donc par le site de l'émission au cnx.cfou.ca, les lettres cnx.cfou.ca. Et maintenant, on est rendu à la fin de la première heure complètement. Il me reste quelques petites minutes pour vous parler comme ça de ce qui s'en vient dans la deuxième heure. Et j'ai ça ici. Une infection sur les consoles portables. Oui, la PSP et la DS ont été victimes de virus qui peuvent même briser complètement vos consoles. Donc, il faut faire attention à ça. Je vais vous en parler dans la deuxième heure. Et aussi dans la deuxième heure, notre chroniqueur outre-mer, David Ribanelli, va être avec nous en direct de Reims en France pour nous parler, entre autres, de partage de fichiers illégaux. Ça va être fascinant et c'est toujours très très drôle ces chroniques. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le CNX, encore une fois, cnx.cfou.ca, toutes les critiques et les chroniques de David Ribanelli sont en ligne. Toute la gang en MP3, c'est très très léger. Téléchargez ça, puis bidonnez-vous en buvant du vin. Faites comme un Français, tu sais, puis mangez du pain. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les Français. Donc, et aussi dans la deuxième heure, on va parler de la Gizmondo. Oui, la console Gizmondo, la nouvelle console portable qui va enfin arriver aux États-Unis. Ça fait des mois qu'on parle de cette console-là, de Tiger Telematics. Ça va arriver aux États-Unis très, très bientôt. Ce sera dans la deuxième heure, hein? Hein? Deuxième heure, ça va être la meilleure heure qui est située entre midi et 13h à CFOU 89.1 FM si vous écoutez en direct le jeudi. Et je vous rappelle que la connexion est rediffusée les mardis matins de 10h à midi. Donc, mon nom est Mathieu Plante. Merci d'avoir été là et restez là parce que les nouvelles de Radio-Canada suivent à l'instant. C'est fou, 89.1 FM. À venir tout de suite, une infection qui rend la console PlayStation Portable inutilisable et la Gizmondo arrive aux États-Unis. Vous écoutez la connexion à C'est fou 89 FM. Bienvenue dans la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, avec moi, Mathieu Plante, encore seul pour cette première demi-heure de la deuxième heure. Mais Danny Janvier devrait être de retour pour la dernière demi-heure. Et d'ailleurs, dans la dernière demi-heure, je me répète, David Ribanelli, notre chroniqueur de Reims en France, va venir nous faire une petite chronique des trucs tordus du net. C'est à venir plus tard, mais pour l'instant, on passe à une série spéciale. Oui, des séries spéciales, il y en a beaucoup dans la connexion. Cette semaine, je vous passe les pièces qui accompagnent la nouvelle campagne publicitaire de Apple. Sur le Motorola Rocker, vous connaissez les pièces les comme celle-là, tiens, je sais pas si là vous la connaissez peut-être, hein? Est-ce que ça dit quelque chose? The Faders, No Sleep Tonight, on en parle au retour, vous êtes assez fou 89.1 FM. So I'll just make this. The Faders, No Sleep Tonight, maintenant Bent Fabric Jukebox. Assez fou, 89.1. Maintenant, on écoute DJ Kane avec Brinka Kumbaya à la connexion à CFOU 89 FM. This is not a pop album. Suaves. DJ Kane. Brinka. DJ Kane in full effect. Ça vient tout droit des publicités de Apple pour le nouveau téléphone Rocker. Ce qu'on entend en fond ici, là. C'est quoi, vous pensez? Une publicité flash sur un des sites que j'étais en train d'ouvrir. Donc, juste avant de faire, avant d'aller en publicité, avant de revenir avec notre chroniqueur David Ribanelli en direct de Reims en France, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'était une série spéciale sur les publicités donc du Rocker, comme je disais, le téléphone musical de Motorola qui joue des pièces et qui est compatible avec iTunes. On a entendu dans l'ordre DJ Kane, Brinka. Avant, c'était Bent Fabric et Jukebox. Et avant, c'était The Faders avec No Sleep Tonight. Plus d'informations, évidemment, sur le cnx.cfou.ca. J'ai mis un lien vers tout ça. Maintenant, comme je disais, quelques petites affaires comme ça. Personnage pop par excellence, vous le connaissez, Mario. Hein? Mario Bros, ça vous dit probablement quelque chose. Moi, okay. Donc, Mario est le sujet de bien des expériences. Et sur le site Geek on Stand, vous pouvez découvrir 64 Mario différents dans sa version tout en pixel, donc directement pixelisé avec des personnages comme Ronald McMario ou Mario en mime ou la version Star Trek ou la version Beatles de Mario. Et vous pouvez même télécharger le PSD et les faire imprimer en super géant dans différents contextes. Vous pouvez mettre un paysage derrière si ça vous tente. C'est super le fun. J'aime ça de même. Un petit peu de nouvelles maintenant. Le premier logiciel malveillant s'attaquant à la console portable de Sony se présente faussement comme une rustine ou un patch capable d'installer une version antérieure du firmware ou du micro-logiciel. Les utilisateurs qui commettraient l'imprudence d'installer le cheval de trois PSP Brick dans leur console portable supprimeraient du même coup d'importants fichiers systèmes nécessaires au démarrage de l'appareil. La bestiole se présente comme une rustine ou un patch permettant de faire une mise à niveau inférieure, c'est-à-dire de revenir à la version 1.5 pour ceux qui ont la version 2.0. Parce que la version 2.0 avait des mesures de sécurité qui empêchaient de partir des jeux qui avaient été peut-être faits maison ou des choses comme ça sur la console. Donc le fichier compressé s'appelle Exploit 2G PSP Team V1.RAR qui pourrait être offert en téléchargement sur Internet. Ça contient le cheval de Troie PSP Brick. Seuls les propriétaires d'une PSP désirant modifier le micro-logiciel de leur console sont donc susceptibles d'être touchés par PSP Brick. Et on ajoute ici c'est le gars qui s'appelle Graham Cluley de Sophos qui précise, et je cite, « Si vous êtes suffisamment malchanceux pour exécuter ce cheval de Troie, vous transformerez votre nouveau jouet en un coûteux bloc de plastique noir, d'où le nom du chose PSP Brick. » Ensuite, même chose pour la DS. Oui, après la PlayStation Portable, c'est au tour de la DS de se voir infliger de ce fléau. Deux virus, le trojan.dsbrick.a et trojan.dsbrick.b, ont déjà été signalés par Symantec et ont pour effet de rendre inutilisable votre DS après redémarrage. Et encore une fois, ne téléchargez pas de fichiers provenant de sites douteux, etc., etc. Maintenant, la Gizmondo, on en a parlé tout à l'heure, initialement prévue pour le mois d'août dernier, après de longs mois de doute, la Gizmondo s'apprête enfin à faire son entrée sur le territoire américain. Tiger Telematics a en effet annoncé que sa console portable sera commercialisée à partir du 22 octobre prochain. La console sera vendue au prix de 400$ pour ceux qui souhaitent pas être dérangés par des annonces publicitaires, parce que la machine va marcher comme ça avec des publicités. Il va en avoir 3 par jour. Donc, c'est 229$ pour ceux que ça leur dérange pas d'avoir des publicités comme celle-là. Et c'est à peu près 8 mois après sa sortie anglaise et on sait pas encore quand ça va arriver en France. On dit avant Noël dans ces coins-là. En bref, seulement réservé pour la PlayStation Portable de Sony, il est maintenant possible d'écouter un film complet ou écouter des MP3 sur Game Boy Advance, SP, Micro et DS. Le TiVo2Go est un adaptateur qui supporte le MP4 et le MP3 et ses capacités mémoire sont presque infinies car le système de mémoire s'effectue avec des cartes flash SD. L'adaptateur vient avec un logiciel de transfert pour PC et donc pas pour le Mac et ça convertit et organise votre librairie de films et de MP3. Pour l'instant, c'est seulement disponible au prix d'environ 95$ canadiens et les films portables donc sont plus exclusifs à PlayStation Portable. Et voilà, c'est tout pour l'instant. On va passer en publicité. On va revenir avec, comme je le disais tout à l'heure, la chronique de David Ribanelli, les trucs tordus du net. Ça va être fascinant et j'espère que d'ici là, Danny Janvier devrait être de retour. Chroniqueur qui est en train de poser des affaires partout de même et qui me laisse le même en chemin. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo à 89.fm. Mon nom est Mathieu Plante et on est tellement dans le jus, dans cette dernière demi-heure, on a tellement de choses à vous présenter que je vais essayer tout de suite de faire les nouveautés en magasin cette semaine pour avoir le temps de laisser David Ribanelli se préparer un petit peu. Donc, nouveautés sur plusieurs consoles. Donc, on retrouve le shooter Serious Sam 2 sur PC et Xbox, le jeu de plateforme en 3D codename Kids Next Door Operation Video Game sur PlayStation 2, Xbox et GameCube, c'est basé sur la série télé. Le jeu de course d'arcade LA Rush sur PlayStation 2 et Xbox, Le jeu de basketball NCAA March Madness 06 sur PlayStation 2 et Xbox. Le jeu d'horreur Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge sur PlayStation 2 et Xbox. Le jeu de snowboard SSX On Tour sur PlayStation 2, Xbox, GameCube et PlayStation Portable. Le jeu de fantastique Tide of Tasmanian Tiger 3 Night of the Queen Can sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. Sport maintenant, Splat Magazine Renegade Paintball. Oui, un jeu de paintball sur PC et Xbox. C'est le jeu de combat Zatch Bell Marmadou Battles sur PlayStation 2 et GameCube. Maintenant sur PC, on va les sauter. On va aller directement à PlayStation 2. Devil Kings, le beat'em up. Jam Pack Volume 13. Romancing Saga, un jeu de rôle. Et SOCOM 3 US Navy Seals, un jeu de tactique à la troisième personne. C'est un shooter en général, comme ça. Sur Xbox, deux jeux qui m'ont l'air tellement intéressants. Bass Pro Trophy Fishing, un jeu de pêche. Et l'ensemble Shrek 2 Shark Tales. Sur Nintendo DS, Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, un jeu de combat. Phoenix Wright Ace Attorney, un jeu d'aventure. Et Zoo Tycoon DS, c'est un jeu de stratégie. Mais ouais, tu sais, vous construisez un zoo, il me semble que c'est ce genre de chose. Sur PSP, Gretzky NHL 2006, un jeu de hockey. Et pour terminer, sur Game Boy Advance, Madagascar Operation Penguin, un jeu de plateforme. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, The Pumpkin King, un autre jeu de plateforme. Et Teen Titans, encore une fois, je crois basé sur la série télé. C'est un jeu d'action-aventure. Comme je disais, restez là parce que les trucs tordus du net s'en viennent dans même pas 3 minutes. Mais pour l'instant, on écoute Hot Hot Heat, No Not Now. On retourne dans les archives. Tu sais, je suis pogné sur Hot Hot Heat depuis quelques semaines, mais là, on retourne dans un précédent album qui s'appelait Make Up the Breakdown. Voici No Not Now à CF 89.1 FM. Oh no, she's not a secret now, but nobody cares. Not Now de l'album Make Up the Breakdown de Hot Hot Heat à la collection par technologie informatique et jeux vidéo. Je savais que Danny serait pas arrivé à temps pour commencer la critique et la chronique de David Ribanelli, mais c'est pas grave, la voici tout de suite. Et le voilà. Attention, Danny est presque assis. Presque assis. Bonjour David Ribanelli. David. David. David. On l'a perdu. Est-ce que t'es là, David? Ah, attends, il est là? David? Oui, je suis là. Réponds-moi quand je te parle, David. Non, okay. Donc, bonjour, David Ribanelli, correspondant spécial à Reims, en France. J'y suis, les mecs, j'entends tout. Ah, là, t'entends. Parfait. Hey. Donc, cette semaine, David, tu nous parles de partage de fichiers illégaux. Et quoi de neuf chez vous? avant de commencer. Ouais, ben la France, tu vois, toute la France est un petit peu en panique. En fait, toute l'Europe est en panique ces temps-ci parce que la grippe aviaire a été détectée en Roumanie et confirmée en Turquie. Alors, tout le monde est un petit peu sur le branle-bas de combat. Et moi, je vais vous dire carrément, j'ai décidé de plus manger de poulet. Parce que on sait très bien que ce qui a été détecté en Roumanie, ça vient d'exportation de poulet asiatique. En 2004, la Roumanie avait exporté près de 7 tonnes de poulet. Donc, tu vois, moi, c'est terminé le poulet pour l'instant. Et je crois que pour une bonne majorité de Français et Françaises, ce sera la même chose. Et c'est quel poulet ou d'autres sortes de viande? Est-ce que vous devez devenir végétarien ou... Bah non, le végétarianisme, c'est pas pour tout de suite. Mais bon, on va manger du bœuf français qu'on peut retracer. Vous savez, on a un système où on peut retracer le moindre petit cheptel, donc en France, pour ce qui est de la viande rouge. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Et chez vous, en général, juste toi, alors, en tant que personne, David Ribanelli, tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est le soir chez vous. Ah ben bien sûr, il est un peu plus de 18h30. C'est une petite soirée tranquille, pépère. Il y a du foot un petit peu plus tard en soirée. En retransmission différée, là, je vais écouter le foot. Et d'ailleurs, je ne pourrais passer sous silence la magnifique prestation de notre équipe de France face à l'équipe de Chypre. 4-0 qu'ils ont pris l'équipe de Chypre et ça a confirmé la qualification de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Et d'ailleurs, je crois bien qu'avec Zidane de retour dans l'équipe française, on a de très bonnes chances de remporter à nouveau le championnat du monde, cette Coupe du Monde. Je pense que c'est le seul joueur de soccer que je connais son nom, c'est Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, hein, c'est drôle ça comme. Un dieu, tout le monde le connaît. Si un mec connaît pas Zinedine Zidane, franchement, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Ben oui. Donc cette semaine, tu nous parles de partage de fichiers illégaux, c'est bien ça. Tout à fait, on tombe dans l'illégalité la plus totale avec les torrents, je sais pas comment vous prononcez BitTorrent de votre côté. Pour expliquer aux gens, c'est exactement le même principe qui avait démarré il y a quelques années avec Kazaa. Mm-hmm. Kazaa qui s'inspirait de Napster. Mm-hmm. Napster qui transférait principalement de la musique et Kazaa qui permettait le partage de plein de fichiers de pair à pair, peer to peer. Et maintenant, cette technologie torrent permet entre deux individus de télécharger un fichier. Donc on n'a pas d'interface d'interface par exemple comme LimeWire ou Kazaa où on fait une recherche. Donc on va sur des sites qui nous donnent des petits fichiers à télécharger, des fichiers torrent, et ce petit fichier torrent nous donne des informations sur l'emplacement, le volume de fichiers disponibles sur d'autres ordinateurs. Mm-hmm. Donc disponibles. Donc tu vois, tu télécharges le fichier torrent et ensuite tu as ces informations. Tu peux donc, via un petit logiciel facile à installer, télécharger directement d'un pote ou de quelqu'un que tu connais pas et tu t'en fous, mais c'est à ordinateur. T'as bien appris ta leçon quand même sur le BitTorrent. Fantastique, tu vois, quand je suis bien instruit. Et là, il y a plein de sites qu'on peut utiliser là pour trouver un maximum de fichiers. D'ailleurs, moi je vais vous dire franchement, j'ai téléchargé quelques petits films, ma foi, fort sympathiques, et je me suis efforcé non plus de pas tomber toujours... Je sais bien, les mecs, vous allez dire, ouais, ça y est, il a encore téléchargé de la porno. C'est quel genre de film que tu télécharges, mon David? J'ai téléchargé le dernier film de Audrey Tautou, Un long dimanche de fiançailles. Tu vois, je l'avais déjà vu, mais j'étais avec une meuf, et bon, tu vois, elle m'avait énervé cette journée-là, cette meuf, donc j'avais pas bien suivi le film, donc j'ai téléchargé ce film de Jean-Pierre Jeunet, le même créateur que Amélie Poulain. Alors, le bonheur est dans mon cœur aujourd'hui. J'ai téléchargé aussi Ocean 12, la suite de Ocean 11 avec toute la panoplie d'acteurs là, Brad Pitt, Julia Roberts et Matt Damon et tous ces acteurs américains là, la suite qui se passe principalement en Europe. Et, bravo pour la prononciation d'ailleurs, c'est très bien, très belle prononciation David, en passant, je voulais juste dire ça. Merci, fantastique. Oui, c'est pas facile de nommer les acteurs américains. Et donc pour un temps de téléchargement d'à peu près 3 heures, 3-4 heures pour ces films, je me suis ramassé avec les fichiers complets en très très bonne qualité. Donc il faut mettre un petit peu de côté nos vertus et se dire que ces multinationales américaines qui font des films ou ces grandes productions, ils ont déjà suffisamment de blé et que nous, tout ce qu'on veut, c'est passer un petit moment pépère devant l'ordinateur. Absolument. Et de toute façon, tu n'aurais pas été le voir au cinéma ce film-là, donc. Et une autre chose que je voulais rajouter, c'est que les médias, les grands médias, arrêtent pas de parler de BitTorrent comme si tu pouvais cliquer dessus, un clic, et déjà, c'est dans ton ordinateur, c'est dans la boîte, et puis tu peux déjà le regarder. Non, justement. Ah, ben non, ça nous prend un petit peu de patience. Et déjà, ouais. Moi, malgré les instructions assez précises que j'avais sur l'utilisation du BitTorrent, il m'a fallu quelques essais-erreurs pour arriver à mes fins. Ouais. C'est-à-dire que, bien souvent, on a débuté un téléchargement. Par exemple, j'avais débuté le téléchargement d'un film, Les Dalton, un film avec Eric et Ramsey, deux comiques français assez bien connus en France, peut-être moins au Québec, je crois. Et tu vois, quand le film, après un certain moment, on peut voir un appel, grâce à un petit truc que j'ai téléchargé, j'ai fait jouer l'aperçu du film, alors que j'étais déconnecté, et tu vois, c'était Kill Bill, donc c'est, le nom de fichier s'appelait bel et bien les Dalton, ouais. Mais c'était Kill Bill. Alors, tu vois, il faut quand même se méfier et voir à notre affaire, c'est pas comme un shopping en ligne, ou comme à la Fnac, où on peut télécharger toutes sortes de trucs. Bah, David, Dany avait une question, je crois, pour toi. Oui. Est-ce que t'as vu le dernier film de, justement, Eric et Ramsey? Quel est-il? Ben, il vient d'en sortir un, j'ai vu une bande-annonce genre il y a quelques semaines. Ah, je sais pas, je sais qu'ils sont vachement prolifiques, mais je sais pas s'ils ont fait une dernière production, Eric et Ramsey, non, faudrait vérifier. Ben, je vais essayer de te rejoindre par email et te donner des infos. Ah, bah oui, bien sûr. Tu vois, Eric et Ramsey, en France, c'est vraiment des dieux, quoi. Un petit peu comme Jamel Debbouze, c'est des comiques un petit peu absurdes, et vraiment, je sais pas si je peux identifier des mecs qui peuvent s'apparenter à leur style humoristique au Québec, mais je sais pas. Je pense pas. Non. tu vois, je sais qu'ils sont, ils sont déjà passés au Québec en tournée promotionnelle, mais je sais pas vraiment ce que ça avait donné comme résultat. Donc, quelques sites BitTorrent pour ceux qui sont pendus à nos lèvres et qui veulent savoir sur isohunt.com. C'est bien prononcé ça, Mathieu? Isohunt? Isohunt.com. Isohunt.com. Si il y a une galerie de liens magnifiques sur isohunt.com qu'on peut accéder via la galerie Les Tests Torrent Site. Alors, sur Torrent Site, il y a la panoplie, le torrentreactor.net, livetorrents.com, torrentspy.com, Mininova.org, tu connais Mininova.org? Oui. Il y en a un nouveau, bien sûr, Mininova.org. C'est d'ailleurs à partir de ce site-là que j'ai identifié la plupart des téléchargements que je suis en train de réaliser. Et ce qui est bien aussi, j'aime bien, c'est que les torrents peuvent se compiler. D'ailleurs, tu vois, la nuit dernière, j'ai fermé l'ordinateur parce que je quittais. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais rallumer le tout et j'ai réactivé mes liens et le téléchargement se poursuit et tout ça se compile. Tu vois, à un certain moment, avec Casa et tout ce genre de trucs, si on complétait pas un téléchargement, c'était parfois difficile de retrouver exactement le même fichier, alors que une information torrent, c'est une information stable, c'est un fichier qui se trouve à un endroit physiquement précis, et donc on peut refaire appel à poursuivre le téléchargement à peu près n'importe quand, donc il n'y a pas de presse. David, il y avait un nouveau site aussi, tu connais supernova.org qui avait fait faillite, qui avait été retiré du net il y a quelques mois. Et bien, l'équipe de supernova.org l'a vendu à quelqu'un d'autre et maintenant newnova.org va sortir, donc ça va être le même look que Supernova et tira là-dessus, ça va être très très bon, newnova.org. Supernova.org, ouais, c'est magnifique. Quel logiciel tu utilises pour télécharger tes torrents? Tu vois, j'y suis allé par Mononova, je suis allé aussi par deparetb.org. Mais tu vois, j'ai pas hésité avec la liste. Il y a Digital Distraction aussi qui est pas mauvais. Digital Distractions, je sais pas si c'est dur à prononcer encore. Digital Distractions, non, mais comme logiciel pour les télécharger, par exemple, je crois que t'avais utilisé BitTornado. Oui, à ta suggestion express, Mathieu, BitTornado. Oui, très simple. Alors, une fois qu'on a téléchargé le petit fichier de torrent, BitTornado s'efforce de nous demander quel torrent on veut télécharger. On n'a qu'à le sélectionner et voilà, hop, la connexion se fait. Et tu vois, c'est assez simple d'utilisation pour n'importe qui est habitué à naviguer dans une interface Windows. C'est très très simple. Et quand tu vas t'habituer de télécharger des torrents, moi je te conseille le nouveau qui vient de sortir il y a quelques semaines et que j'utilise moi maintenant, c'est utorrent.com. En fait, ça se prononce mutorrent parce que c'est comme le petit U en mathématiques, quelque chose. Donc le lien web, c'est www.utorrent.com. utorrent.com. Oui, ben j'essaierai avec plaisir parce que moi je vais dire je suis complètement parti dans les torrents là. Ah, j'imagine, ouais, c'est tellement le fun de faire ça. Mais évidemment, ici à la connexion, on ne recommande pas aux gens d'aller chercher des torrents, évidemment parce que c'est complètement illégal, donc ne faites pas ça à la maison. On nage dans la fraude totale, tu vois. Faites-le, mais dites pas que c'est nous autres qui vous avons dit de le faire. Non. Que non, bien sûr que non. Nous, non, en fait, c'est un français qui nous dit. C'est ça, c'est un français. D'ailleurs, moi, je dis que j'en télécharge, mais bon, je les efface. C'est ça, ouais. Je les raille de mon disque. Et t'as une copie de chaque original. T'as évidemment acheté le DVD de H.S.T. Pas question de faire des archives, de se monter des banques de films. Et la porno, t'étais la louer au club vidéo, et puis c'est ça. Ah, exactement, exactement. Carrément, tu l'achètes à 20$ le DVD, tu vois. Tu vois, c'est. Ça va de soi. Si on compare 20$ le DVD, ça doit être ça le prix, pas. Ah, je sais pas c'est combien ça coûte, toi tu dois connaître ça un petit peu les prix, là. Non? Non. Pas. Non, et David, non? Non. Tu vois, moi j'ai dit c'est 15€ environ, 12 à 15€. Ah. J'ai accès gratuitement à ça si j'en veux. À Express, vous savez. Mais alors les mecs, ouais, donc pas de conseils, on va pas sur les torrents les non. Jeunes, mais bon, on va pas, comment pas ça sur le CNX, n'allez surtout pas sur le CNX.ca, cherchez tous les liens. Non, surtout pas, ce qui pourrait faciliter votre apprentissage du torrent. N'allez pas. Qu'on vous donne, simplement pour votre culture personnelle, et voilà. Et David rappelle aux gens de ne pas aller sur le CNX.ca pour aller chercher les MP3 de toutes tes chroniques depuis le début. Ah, bien sûr, et je dois avouer que ça cartonne, hein. Quand j'ai des potes qui écoutent mes chroniques, ils me croient pas, d'ailleurs, les gens me demandent, mais comment tu connais ces gens au Québec? Moi, en fait, je leur dis, ah, c'est la magie d'Internet. C'est vrai, quand où est-ce qu'on s'est rencontrés? Quand on est à proximité de certaines personnes, avec Internet, il n'y a pas de problème. Ah, je te connais de où, moi, déjà, David, de où est-ce qu'on s'est rencontrés? Mais tu te rappelles vagues. Pas? Attends, mais... Non. En 98. T'es comme des bêtes. Oui, mais il y avait la tête dans l'oreiller. C'est ça. C'est ça, t'avais la tête dans l'oreiller, tu m'as pas vu arriver, c'est ça. Ouais. Oh, non, on déconne. Ah, mais ça fait du bien, les mecs, de vous retrouver après un été plutôt difficile. Moi, côté boulot, on a ramé cet été, donc promets d'être beaucoup plus assidu dans mes chroniques et de revenir avec d'autres sujets tout aussi instructifs que les torrents. Je vois ça, j'étais en train de regarder sur le site de la connexion ici. J'ai essayé d'aller voir, c'était quand la dernière fois que tu nous avais fait une probablement critique. En juin, certainement pas en juillet. Je vais te le dire tout de suite. Truc tordu du net, la dernière édition, c'était le 30 juin 2005. C'est magnifique, quelle mémoire phénoménale. Ouais, c'était dans ma tête, j'ai des ondes. Okay. Donc, merci beaucoup, David Ribalelli, correspondant spécial à Reims, en France. Alors, les mecs, ce fut un plaisir. Alors, on se reparle bientôt. À très, très bientôt, David. Je vais essayer de mettre ta musique de fin comme ça. Hein. Ah oui, je l'aime bien, le petit jingle. Tu l'aimes, surtout, je vais la remettre. Allez, ouais, fantastique. Merci, David, à très bientôt. Allez, bonne journée. Au revoir. C'était donc David Ribanelli, notre correspondant à Reims en France, correspondant outre-mer qui couvre tout le continent de l'Europe juste pour la connexion à CFOU 89.fm. Donc, on a du budget. On a du budget. Dany, est-ce que tu restes pour la fin de l'émission? Je vais essayer, je vais voir. Combien de temps qu'il reste? Je vais rester. Donc, on va aller en musique, on va revenir avec d'autres nouvelles et restez là parce qu'aussi on balaie le plancher au retour. Voici tout de suite Jax Mannequin avec Holiday from Real. À CFOU 89.fm, vous écoutez l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Dany Janvier et Mathieu Plante. À CFOU 89.fm, j'attends tout le temps que le CD se place et voilà le vlog qui s'en vient. All the front, real. Ça va être comme ça dans le tune, tu vas voir, ça va être meilleur que ça. She thinks I'm much too thin, she asks me if I'm sick. What's a girl to do with friends like this? She lets me drive her car so I can score an 8th from the lesbians out west in Venice. To me. ouais, les Phil Power, c'est bien plus rapide que du USB. Ouais, Jack's ouais. Mannequin avec Holiday From Real de l'album Everything in Transit à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. Il nous reste 10 minutes, même pas. Donc j'espère que vous avez aimé la chronique, que la critique. J'arrête pas de dire critique dans ma tête. C'est chronique de David Ribadelli qui s'appelle Les trucs tordus du net. Il devrait revenir régulièrement maintenant dans la connexion. Même si ça fait depuis juin, maintenant ça va devenir plus régulier. Qu'est-ce qu'il y a, Danny? Ben, tu peux me le dire en ondes, là? Oui. Non? Pure Laine, si je te dis ça. Oui, Pure Laine. Ben oui, reste là pour Pure Laine à 13h, l'émission de musique québécoise. Il faudrait qu'il soit découpé, donc Danny va aller le découper tout de suite. Parce que c'est lui qui s'occupe de mettre la reprise, de découper la reprise pour qu'elle soit rediffusée. C'est bon à savoir les behind the scenes, behind the curtain de CFOU 89.1. Les gens connaissent pas ce qui se passe derrière, eux autres. Donc, pour bourrer le temps que Danny va me laisser tout seul, Yahoo a lancé la version test d'un moteur de recherche permettant de trouver des émissions de balado-diffusion, donc des podcasts. Dans sa page d'accueil, le site de Yahoo Podcast propose une sélection des émissions balado-diffusées les plus populaires. En passant, ceux qui ne seraient pas les podcasts, c'est des émissions qui sont diffusées sur le net. C'est comme des émissions de radio, mais ça se télécharge automatiquement sur un lecteur MP3 quelconque, pas nécessairement un iPod, ça peut être n'importe quel lecteur MP3. Justement, la connexion, ça me permet de faire un petit lien rapide vers ça, la connexion à son propre podcast. Parce que serait une émission de technologie sans un podcast? C'est au cnx.cif.ca, cliquez sur la section CNXtra, qui est le nom de l'émission, qu'on va sûrement changer parce que ça fait ben trop ça, Star System Extra, si je peux. Ce qu'on avait nommé avant eux autres, puis ça marche plus. Je veux pas avoir le même nom qu'une émission de TVA. Et aussi, Yahoo ajoute les blogs dans son moteur de recherche. Allez lire l'article sur le cnx.cif.ca. Au fur et à mesure des semaines, on en apprend de plus en plus quant à la sortie de la Xbox 360 sur les différents territoires et après avoir pris connaissance du stock disponible pour le premier jour, un premier point sur le line-up du lancement américain est nécessaire pour y voir plus clair. Ce dernier risque d'être fort identique pour le marché européen, mais donc aux États-Unis et au Canada, on compte un total de 22 titres qui confirment donc la volonté de Microsoft d'atteindre la vingtaine de jeux disponibles le 22 novembre prochain aux États-Unis. Donc je vais aller vous lire tout de suite les jeux peut-être au complet, qui s'en viennent sur la Xbox 360. Chez Microsoft, ils vont nous sortir Dead or Alive 4, Perfect Dark Zero et Project Gotham Racing 3. Chez Activision, il y a Call of Duty 2, Gun, Quake 4 et Tony Hawk's American Wasteland. Chez 2K Games, il y a Amped 3, NBA 2K6, NHL 2K6, The Elder Scrolls 4 Oblivion et Top Spin 2. Chez Electronic Arts, FIFA 06, Madden NFL 06, NBA Live 06. Need for Speed Most Wanted et Tiger Woods PGA Tour 06. Et chez THQ, on termine par Saints Row et The Outfit. Évidemment, on va avoir la chance de vous dire quelles sortes de jeux sont chacun de ces jeux-là plus tard, quand ce sera la date de sortie, quand la date de sortie sera arrivée. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, EB Games nous propose le nouveau top des ventes de logiciels, donc de logiciels en parlant de jeux vidéo, les softwares de jeux vidéo en Amérique du Nord pour la semaine du 2 au 8 octobre 2005. En cinquième position, Sly 3, Honor Among Thieves de Sony sur PlayStation 2. En quatrième, NBA Live 2006 d'Electronic Arts sur Xbox. En troisième, Far Cry Instincts de Ubisoft sur Xbox. En deuxième, FIFA 06 d'Electronic Arts sur PlayStation 2. Et en première, on retrouve le jeu le plus vendu aux États-Unis la semaine dernière, NBA Live 2006 d'Electronic Arts sur PlayStation 2, pardon. Et maintenant, alors que chaque mois nous apporte son traditionnel décès en rapport avec les jeux vidéo, je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus tard, octobre semble partir sur une autre base avec un vol. 10 kits de développement de la Xbox 360 ont été dérobés dans un entrepôt en Allemagne alors qu'ils devaient être acheminés vers divers studios selon le magazine Der Spiegel. Peu de temps après, des photos de ces mêmes kits ont fait apparition sur le web et l'enquête a conduit la police à la fois en Allemagne et en Autriche où 3 machines ont déjà été retrouvées. Les auteurs du vol risquent bien de voir la sortie de la Xbox 360 depuis une cellule cet hiver. Quelle blague de chez jeuxactu.com. Maintenant, Flip Out! On parle de la chronique Free Play qu'on va devoir faire très très rapidement aujourd'hui. Donc, en Free Play, cette semaine, on commence par le jeu. Attendez que je le trouve. Flip Out! Qui est un jeu Flash, évidemment, tous les jeux sont en Flash quasiment sur Internet. Celui-là vous propose des plaquettes blanches sur votre écran et vous devez, avec votre souris seulement, passer sur les blocs et essayer de les faire disparaître un après l'autre. Mais l'affaire, c'est que si tu reviens sur la case que tu viens d'éliminer, la case revient, ce qui rend les choses beaucoup, beaucoup plus difficiles. Et le but est évidemment de clairer le tableau et de passer au niveau suivant. C'est pas évident. Une fois que t'as pogné la twist, et voilà, je viens de réussir un niveau avec 111%, en tout cas, peu importe. C'était le premier free play, allez voir sur le cnx.cif.ca. Et Plastic Balls Circular Breakout est une espèce de remake, si on veut, dans le même esprit que le jeu Arkanoid ou les jeux où t'as une plaquette et tu dois péter des murs avec ta plaquette et une balle qui sort d'un milieu ou du bas ou peu importe de quel côté. Ici, dans ce cas-là, on joue dans un lavabo. Donc l'idée, c'est que la balle va être attirée vers le drain du lavabo et tu dois réussir à péter les plaquettes qui sont sur le côté du lavabo tout en pognant des fruits et des power-ups, évidemment. Bon, tu peux doubler, tu peux avoir deux plaquettes de jeu ou tu peux faire ralentir ou accélérer la balle. C'est pas mal plus difficile parce que le concept physique du rapprochage vers le drain est tellement réaliste qu'elle reste pognée en haut à un moment donné jusqu'à temps qu'elle arrive en bas, puis là, elle fasse des ronds autour de ta plaquette. C'est plutôt difficile. Donc, allez voir ça encore une fois au cnx.cfou.ca. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres jeux? J'ai plus de jeux. Ça veut dire qu'on est rendu presque... Ah oui! Signez rapidement, on va faire ça. Email Icon Generator. Si vous êtes déjà allé sur un forum et que vous avez vu des petites icônes qui disaient, bon, mettons, l'adresse email de quelqu'un, bon, email à hotmail.com avec des beaux petits dessins, vous voulez savoir comment les faire, ce site-là vous propose de faire exactement ça. Vous entrez le début de votre adresse email et vous choisissez votre fournisseur AOL, Gmail, Hotmail. Il va vous faire un beau petit cône avec le logo dessus. C'est super mignon. Allez voir sur Email Icon Generator pour Gmail, Hotmail, MSN, Yahoo, AOL et plusieurs autres. Je vais sauter les autres et vous laisser les découvrir par vous-même. Il y a Inquisitor Search Beta qui est un nouvel engin de recherche. Une comparaison entre Star Wars en version widescreen et en version normale pour voir ce que vous ratez quand vous achetez un film plein écran au lieu d'un film en widescreen. C'est beaucoup, beaucoup mieux. On gagne peut-être, je crois que c'était 40-quelques % de plus avec le widescreen. Allez voir la comparaison. Et comme téléchargement cette semaine, c'est le logiciel G-Disk. Donc allez voir, c'est pour transférer des fichiers sur un disque dur en ligne pour avoir tous vos fichiers près de vous quand vous voyagez chez les amis. Donc, dernière chronique de l'émission, comme toujours, le plancher. On balaye le plancher, c'est-à-dire qu'on fait toutes les petites nouvelles pas importantes qu'on n'a pas eu le temps de placer ailleurs dans l'émission. Donc, on commence par un hack pour votre vie, un life hack. Comment ne pas procrastiner, qui est apparemment pas un mot en français, mais en anglais c'en est un. Donc, comment ne pas remettre les choses à plus tard? L'équation, c'est entre parenthèses 10 plus 2 fois 5. Et c'est très bon pour ceux qui font de la procrastination, qui sont facilement distraits, ceux qui surfent le web de façon compulsive, ceux qui ont une longue liste de courtes choses à faire ou des moustiques qu'on appelle, des petites choses à faire très très rapides, mais qu'on les repousse à plus tard, et ceux qui ont de la difficulté à lâcher de très grandes tâches pendant une longue période de temps. Donc, on vous explique ça en détail. C'est fascinant et ça me tente vraiment de l'essayer cette semaine. Vous avez besoin d'un timer, particulièrement un timer de cuisine pour faire des œufs, par exemple, ou une application comme Minuteur sur le Mac. On a besoin d'une liste de choses à faire réduite. On a besoin d'une heure de temps. Donc, l'idée, c'est que tu fais des petites tâches en 10 minutes ou moins. Et à chaque 10 minutes, tu dois prendre une pause de 2 minutes. T'as pas le choix. Faut que tu prennes une pause de 2 minutes. Et ça va te mettre un meilleur rythme de vie. Le retour de Danny Janvier, d'ailleurs, au micro. Oui. Tu prends 10 minutes pour faire une seule tâche très, très courte. Et même si t'as pas fini à l'intérieur de 10 minutes, tu la lâches. Tu fais 2 minutes de pause et tu recommences. Et si t'as réussi à la faire en 6 ou 7 minutes, tu prends ta pause tout de suite quand même. OK? C'est ça l'idée. Allez vous renseigner sur le site. Moi, je trouve ça extrêmement fascinant. C'est Procrastination Hack 10 plus 2 x 5. Une mauvaise nouvelle cette semaine qui ne fit pas nécessairement dans le plancher parce que c'est plutôt des nouvelles cocasses d'habitude, mais je voulais en parler quand même. Une fille a été tuée par son compte MySpace. Elle avait un compte sur MySpace. Il y a un gars qui l'a rencontré là-dessus et il l'a tuée. Allez lire l'article. C'est très, très lugubre, macabre. Donc, MySpace.com. Rencontrez pas des gens n'importe comment dans la rue comme ça si vous les connaissez sur Internet seulement. C'est pas toujours la meilleure façon de faire. Et j'ai pour terminer un article sur Bill Gates qui a surpris des étudiants dans une école qui a visité l'université Madison quelque chose. C'était le 12 octobre. Il faisait une tournée des différents collèges aux États-Unis. Et puis il a surpris une classe. Allez lire l'article, c'est fascinant. On n'a plus de temps. J'aurais bien aimé ça finir et vous raconter ça en grand détail. Mais c'est tout. Danny Janvier, E3, jeudi 21h, émission de Psytrance. Hein, jeudi à 21h, je vais le prononcer comme faux, jeudi 21h. Et avec moi dans la chance au coureur, l'émission de nouveautés musicales les vendredis à 11h. La connexion est rediffusée les mardis matins de 10h à midi, quand on la met à la bonne heure. Des fois c'est plus de bonne heure, des fois c'est plus tard. Et on retrouve, Pure Laine. Si vous écoutez en direct, restez là pour Pure Laine, ça commence à 13h. Sinon, restez là pour, je me rappelle jamais, l'émission qui nous suit les mardis à midi, en tout cas. Donc, ben merci d'avoir été là. C'était la connexion pour cette semaine. Mon nom est Mathieu Plante, de la part de Danny Janvier et tout le reste, comme David Ribanelli et les autres. Bonne journée, bonne chance, et puis bon muffin. Je sais pas. C'est bon le muffin, non? Ouais. Trash.dash.trash.com